belle journée, mon bébé est né. C'est une belle journée, viens près de moi les bébés. Avis à tous, saluez. Laissez passer, il naît. Aujourd'hui, plus d'alibi. La belle vie, c'est pas fini. C'est une belle journée. T'as travaillé, j'ai bien dormi. T'as pas dormi? Je vais travailler. On n'est pas prêt de se reposer. C'est une belle journée. 1, 2, 3, 4, 4, faut pas rêver. Belle journée, va falloir peut-être s'arrêter et trouver le temps de s'aimer. New York, Tokyo, Paris, moi j'aime bien voyager. Papi, mamie, tati, tu préfères pas l'Italie? Oui. C'est une belle journée, monte là bébé, on va danser. Du rock'n'roll, n'est-ce pas, ou du reggae? C'est une belle journée, 1, 2, à 3, on va s'aimer. Allez bébé, je t'aime, viens avec nous, viens avec nous. Belle journée, celle que l'on n'oubliera jamais, jamais. Belle journée.